Vous écoutez BLE Radio partout en Lorraine sur bleradio.fr. Game Trip FM, c'est tous les samedis de 11h30 à 12h30 sur BLE Radio. Wesh ma gueule. Wesh ma gueule. Les sourds McFlan, ils se crèment anglais. Check ça bien. T'as vu, on est en direct. Salut à tous, on est en direct sur GTFM, votre émission dédiée aux jeux vidéo sur BLE Radio. Troisième épisode aujourd'hui, cette semaine, avec évidemment le meilleur de l'actu des jeux vidéo et Game Trip oblige, du rétro gaming bien sûr, en compagnie d'une partie de la rédaction de GameTrip.net, le site de référence des jeux oldies depuis 11 ans sur internet. Préparez-vous donc, je vais pas refaire la blague comme chaque semaine, Jérémy. Mais si, vas-y. Non, d'accord. Préparez-vous donc à faire un voyage dans les petits et les gros bits, un voyage dans le temps vidéoludique. Dans l'univers des petits et des gros bits, non ? Oui, je sais plus exactement. Et en particulier cette année à destination de l'année 1997. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que Oddworld Odyssey d'Abe est sorti pile il y a 20 ans. C'était le 19 septembre 1997. On va donc en parler aujourd'hui. Notre test de la semaine dans 25 minutes, ce sera celui de ce premier opus d'une saga novatrice qui compte déjà 6 jeux. Et il y en a un autre qui est prévu l'année prochaine. À mes côtés aujourd'hui, j'ai donc évidemment le Lex Luthor du sillon mosellan, Jérémy. Salut Jérémy. Salut. Et avec toi, avant de parler oldies, on va parler de ce qui a fait l'actu des jeux vidéo récents cette semaine. Oui, Dragon Ball notamment. Oui, Dragon Ball forcément, puisque tout le monde l'attend. Et puis Call of Duty, il y a encore du Dragon Ball et il y a quelques jeux annoncés au TGS. N'en dis pas plus. À midi 10, on parlera aussi actu du rétro gaming avec l'actu des derniers jours et notamment un casque en réalité virtuelle compatible avec le Commodore 64. Ça fait rêver. Eh oui, ça fait rêver, on en parlera tout à l'heure. Ben étant un homme très occupé, voire très occupant parfois, il ne se joindra pas à nous aujourd'hui pour sa désormais voire tradition. Voire très préoccupé. Aussi, il n'y aura pas sa traditionnelle chronique au coin du four, au coin du feu. à midi, donc à la place de sa chronique, on va faire un petit quiz Jérém contre un auditeur autour des anecdotes des jeux oldies. Restez avec nous, il va y avoir du sang et de la sueur, c'est à midi. Au menu de l'émission également. Et beaucoup de honte à mon avis. Beaucoup de honte des deux côtés sans doute, parce que je pense que l'auditeur que nous allons recevoir n'en sait pas plus que toi. Au menu de l'émission spéciale Oddworld donc, après notre test de la semaine, une autre découverte, ce sera à 12h15 comme chaque semaine, on vous fera découvrir une musique de jeu. Du coup, cette fois, ce sera celle de l'Odyssée d'Abe. Restez avec nous, vous allez apprendre des choses. Et enfin, à 12h20, notre débat tous ensemble chaque semaine. Et aujourd'hui, ce sera sur la VR, la réalité virtuelle. A-t-elle tout donné ? Quel est le futur du jeu vidéo ? On va parler des dernières innovations aussi. Vous avez, vous aussi, la parole si vous souhaitez participer au débat, si vous êtes fan de la VR ou si vous avez un casque chez vous. Pas un casque de moto, un casque de VR, évidemment. Laissez un message sur Twitter avec le hashtag BLE Radio. Sinon, vous pouvez aussi commenter les pages officielles Facebook. Vous les connaissez, BLE Radio officiel ou GameTrip.net. Et vous pouvez même intervenir en direct. Pour cela, laissez-nous un petit message et on vous passe à l'antenne. En attendant, on commence avec la revue de presse de la semaine dans le monde des jeux vidéo. Et c'est Jérém qui va commencer avec... Tout à fait. Avec Call of Duty. Ouais. Call of Duty qui est attendu par... l'opus-là est clairement attendu par la communauté, les amateurs du jeu. Parce que il a l'air vraiment, enfin donc ça va revenir dans la Deuxième Guerre mondiale, d'où le nom World War II. Ouais. C'est un retour qui est prévu depuis maintenant, qu'on a vu à l'E3 les premières vidéos, et donc là ils ont sorti la bande-annonce. Et la bande-annonce fait vraiment plaisir à voir. Donc on va être dans la peau d'un agent qui s'appelle Red Daniels. Jack Daniels. Non, pas Jack. Non, pour le coup c'est Red Daniels. Mmh. Et c'est à la façon un petit peu de Band of Brothers, pour les gens qui connaissent la série. Et donc, ils sont membres de la Big Red One. C'est une compagnie qui a priori vraiment existé et qui a participé à beaucoup d'opérations lors de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été déployée en Afrique du Nord et elle a affronté l'Africa Corps. Elle a effectué aussi le débarquement sur Omaha Beach. La plage, bien sûr. Et ensuite, elle a apparemment été aussi à la bataille des Ardennes et elle a fini la guerre en Allemagne. Donc, c'est vraiment une compagnie qui a fait du boulot. Et on va les suivre tout au long de leur pérégrination. Et voilà, la bande-annonce donne vraiment envie. Le jeu sort donc le 3 novembre 2017 et donc sur Xbox, PS4 et PC. Et vraiment, il est très très attendu par la communauté pour enfin redorer un petit peu le blason de la licence. Oui, enfin le retour de la Deuxième Guerre mondiale dans les jeux de guerre, parce que ça avait été un peu abandonné, on était parti un petit peu dans tous les sens avec le futur, voilà, la Première Guerre, tout ça. Enfin le retour de la Deuxième Guerre mondiale, ça fait plaisir. Pas la Deuxième Guerre mondiale, le retour, évidemment. Oui. Dragon Ball également au programme. Oui, alors on en a parlé la semaine dernière, donc Dragon Ball, pareil, qui a été annoncé à l'E3. Là, il y a... Donc, il y a le Tokyo Game Show en ce moment, qui dure encore jusqu'à demain, si je me trompe pas. Et alors, il y a au fur et à mesure des infos qui nous arrivent. Donc là, il y avait déjà une dizaine de persos jouables. Et donc là, on a eu le plaisir d'avoir les annonces de Tenshinhan et Yamcha. Alors, c'est un petit peu les persos du pauvre dans les... Ouais, voilà, c'est des persos un peu useless de la série, clairement, qui battent pas grand-chose, qui se font un peu martyriser par tous les moindres ennemis qui passent. Mais bon, ils auront le mérite d'être là. Et donc, ils seront plutôt considérés comme le troisième de l'équipe, on va dire. Et sachant que il y a aussi Krillin qui a été dévoilé, et que Krillin, alors comme d'habitude, Krillin en prend plein la tronche de partout. Enfin, il à part mourir, il sert pas à grand chose. Oui, disons, bah c'est le principe. Il fait gagner un peu de temps, on va dire. Oui, c'est bien. Et se transformer en Super Saiyan aussi. Oui, mais sans les cheveux, c'est compliqué, non? Ah oui. Mais et surtout, donc ce que j'ai appris un petit peu au fur et à mesure de mes recherches, c'est que Krillin, en l'occurrence, lui, va être vraiment important parce que il va être considéré plutôt comme un support, comme limite un guérisseur, parce que il va avoir la capacité d'utiliser des haricots magiques, par exemple, pour tous ses potes, et donc bien gérer en fait les switches entre les différents persos. Alors clairement, celui qui aura Krillin pendant le fight va se faire chier, mais il sera là pour guérir, donc il aura une petite part du mérite quand même à la fin du combat, quoi. Un healer qui ne sert pas à grand chose. Ouais, voilà, clairement. Et est-ce que je finis encore avec DBZ ou pas? Ouais, vas-y, vas-y. Oui. Dernière grosse news aussi, donc pareil, qui nous vient du Tokyo Game Show. Le mode histoire a été un petit peu plus dévoilé et il y a donc du nouveau qui a été créé uniquement pour ce jeu. Donc c'est l'apparition du cyborg C21, donc qui créé par Akira Toriyama et tout ça. Et donc C21, c'est la sœur de C16, donc C16 qui est l'ami de la nature, tout ça, le cyborg Peace and Love. Et dans C16, c'est la nana aussi dans les anciens. Non, C16, c'est le gars, le rouquin là. Oui, le rouquin avec son gros costume vert. Ouais, voilà, avec l'armure verte. Ouais. Et donc là, c'est sa frangine, elle est brune, okay. Elle a les cheveux longs, les petites lunettes de secrétaire et tout. elle est physiquement intelligente, quoi, a priori. Okay. Et donc, on sait juste pas encore si elle sera jouable ou si elle sera juste un perso un peu effacé, mais en tout cas, elle est là et elle aura un background. Ok. Alors, en parlant aussi de physique agréable, Ben, cette news est pour toi si tu nous écoutes. Le premier trailer de Tomb Raider, le reboot avec Alicia Vikander est tombé. On a vu l'affiche, c'est sorti cette semaine. Ça ressemble vachement à la Lara du reboot en jeu vidéo, hein, du Tomb Raider qui est sorti il y a pas longtemps. C'est une nana en jean avec un débardeur gris, la cicatrice sur la joue, les cheveux au vent. Elle a un piolet dans sa main. Et donc, on a vu également... Comme elle est Benjamin jeune, comme Benjamin Piolet, évidemment. Et donc, merci pour cette blague. Elle est jeune, elle a les seins moins gros qu'Angelina Jolie à l'époque. Donc, clairement, c'est la nouvelle Lara, celle du jeu vidéo. On y perd quand même. On y perd, mais en même temps, elle est plus aventurière que Potiche qui se retrouve au milieu des temples mayas. Et on a totalement fait disparaître l'emblème du jeu et du personnage, c'est-à-dire le mini-short avec les deux guns et le débardeur noir. Et dans le trailer qu'on a vu, parce qu'il y a un trailer qui a été dévoilé, l'actrice suédoise fait ses premiers pas dans le rôle de l'aventurière. Elle utilise un arc, un piolet. Là aussi, c'est du nouveau Tomb Raider, exactement comme dans le jeu. On voit aussi vite fait le casting. Je connais pas grand monde dedans, donc je vais pas en parler. La très très bonne surprise, c'est que ça a l'air vachement bien quand même. Ça a l'air super fidèle à l'original. Ça a l'air bien, c'est un sacré argument. Ça. Non, ça a l'air bien. Ça a l'air bien parce que on a fait un débat la semaine dernière. Vous pouvez aller le regarder en podcast sur GameTrip.net. Un débat sur les jeux vidéo adaptés en film, et on a dit plus ou moins que bon, il y a eu 95% de boost pour 5% de bons films. Ça a l'air plutôt pas mal, même si pas de surprise sur le trailer, puisque on voit Lara sauter avec l'Inception Sound, hein, tu sais, le quand elle saute du bateau au ralenti 50 bandes plus loin, c'est hyper hollywoodien. Mais apparemment, c'est super adapté du jeu vidéo, et c'est une bonne idée, ça y ressemble vraiment. En sachant que le problème, c'est que Tomb Raider, le reboot, c'était un jeu énorme, qui était très très bien, donc il va falloir faire aussi bien en film. Et surtout, petit souci, quand t'as joué au jeu, quel est l'intérêt de le voir en film derrière, étant donné que c'est exactement la même histoire? à voir. La réponse, ce sera le 14 mars 2018. Et au passage, je rajoute un petit mot sur Rise of the Tomb Raider, donc la suite hein, du reboot de Tomb Raider. Ça sortira sur Xbox One X en Day One, donc le 7 novembre, et ce sera donc en 4K. C'était déjà magnifique en HD, alors là, en HDR, ce sera monstrueux, notamment avec le Tress FX, le moteur de jeu spécialement créé pour faire bouger les cheveux de Lara au vent. Ouais, tu connaissais Non, Tress FX, c'était un moteur de jeu qui avait été développé. Ayant moyennement de Tress, je t'avoue que c'est pas un sujet qui m'intéresse. Mais ça pourrait t'intéresser quand tu verras les images. Alors, une autre news, Jérôme. Oui, qui nous vient toujours du Tokyo Game Show, en profitons-en tant que tant qu'il est à l'actualité. Ça sera pour Final Fantasy XV, donc pour les fans de Final qui se sont personnellement je me suis un peu arrêté vers le 12 je crois ou le 13 je sais plus un petit peu au 14 mais le 15 j'avoue que j'y ai absolument pas touché mais bon et donc là ils ont annoncé enfin il y a du contenu narratif supplémentaire qui a été annoncé donc par une sacrée jolie bande annonce par Square Enix. Et a priori, elle sera là surtout pour venir combler des soucis qu'il y avait dans le background, parce que celui de cet opus-là a pas été super bien travaillé. Donc c'est plus un petit peu du bricolage pour venir compenser que vraiment un réel plus pour le jeu. Mmh. Et sinon, tant qu'on est dans Final 15, alors là, ça tu vas adorer, parce qu'en plus, ça a un rapport avec la VR, c'est qu'ils ont montré la bande-annonce de Monster of the Deep Final Fantasy XV, et c'est du contenu de pêche uniquement destiné au PlayStation VR. Et ça fait plaisir. Ça fait clairement plaisir. Donc de la pêche, qui inclut un mode histoire et un mode pêche libre. et oui, comme quoi, là, on n'arrête pas le progrès. Non, mais ça chaque année, ça marche. Il y en a eu beaucoup. Dans l'histoire du jeu vidéo. Ah oui, non, mais je n'en doute pas. Après, bon, s'ils trouvent des gens qui achètent, ils ont bien raison. Et ça sera dispo le 21 novembre. Mais je me dis quand même qu'il y a des gens qui achètent Cycling Manager. Alors pourquoi pas un jeu de pêche? Alors, Cycling Manager est le jeu le plus vendu pendant plusieurs années. Et je dis bien plusieurs années, ces dernières années. C'était Farming Simulator. Qui était tout le temps en tête des ventes, donc comme quoi. Ah oui, non, mais comme quoi, comme les Sims et tout ça. C'est vrai que moi j'ai un peu de mal à saisir le. On va pas rentrer dans ce débat. Oui, non, voilà, on n'a pas terminé. Ok, eh ben on va passer du coup au coup de cœur et au coup de gueule de la rédaction, évidemment, puisque on fait ça chaque semaine. Mais on n'est que deux, mais on va quand même les faire. Ah oui. Les coups de cœur et les coups de gueule. Alors, je vais, pour une fois n'est pas costume, je vais commencer par moi. Moi, c'est un coup de cœur cette semaine, avec une annonce faite par la Paris Game Week, donc quatrième gros salon de jeux vidéo, on va dire, chaque année, à côté du TGS, de l'E3, de la Gamescom. Maintenant, le PGW à Paris qui prend du galon et qui chaque année nous fait plaisir. Je suis content pour eux. Le PGW est un super événement et en plus, cette année, il y a une grosse surprise, c'est qu'ils vont prévoir un orchestre symphonique invité. Ça va s'appeler le PGW Symphonique et il y aura 60 musiciens sous la direction du chef de l'opéra de Massy. Et ils vont jouer des morceaux alors de Assassin's Creed 2, de Age of Empires 3, de Mass Effect, de Resident Evil, de Witcher 3, de Skyrim. Alors rien que de me dire qu'on va entendre résonner le Dovahkiin Theme au Grand Rex, ça me fait super plaisir. C'est un spectacle de 2 heures. Il y aura 40 jeux qui vont être orchestrés comme ça. Les réservations sont déjà ouvertes. Ça coûte de 35 à 110 euros. Sachant que les 110 euros, c'est des packs avec des places au PGW qui sont offertes dedans. Et voilà, le PGW qui monte vraiment en puissance. On avait eu l'occasion, très longtemps avec la rédaction de Computer Games France, qui était avec nous avant, et puis de Game Trip aussi, d'y participer. On a toujours été agréablement surpris de voir à quel point ça monte. Et cette année, voilà, ça monte tellement que l'édition, elle fera venir un PlayStation pour une conférence. C'est hyper rare que Sony vienne à Paris pour faire une conférence. Et donc, il y en aura une le 30 octobre à 17h. Et sinon, le PGW, lui, il ouvrira le 1er novembre jusqu'au 5 novembre. Il y a eu 300 000 personnes l'an passé. Je pense que cette année, ça va encore une fois bien marcher. Jérémy. Ok. Ton coup de cœur ou ton coup de gueule? Alors moi c'est pareil, je m'étonne de semaine en semaine. C'est un coup de cœur. Oh, je pense qu'il va te faire un petit peu bondir. Mais tant pis. Donc justement c'est encore par rapport au Tokyo Game Show en ce moment. En fait ils sont les Japonais sont en train de se rendre compte que l'e-sport. Oh. Ah voilà, j'ai dit le mot qu'il fallait pas dire. on refera un débat. Que oui, bien sûr, il y aura un débat à un moment ou à un autre. Que l'e-sport en fait peut vraiment, enfin, est porteur clairement, est porteur de chiffres, est générateur de chiffres, de publicité, de tout ce qu'on veut. Et donc l'e-sport sera une discipline, il faut le savoir, une discipline à part entière aux Jeux asiatiques de 2022 en Chine. Oui. Non, mais aux Jeux asiatiques de quoi? Les jeux asiatiques, il y a un petit peu tout et n'importe quoi. Ah. C'est comme les. Je crois qu'il y a aussi les jeux européens qui existent, non, ou quelque chose comme ça. C'est un petit peu des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est pas des vrais JO. Ah, mais. C'est du billard, sache que Tony Estanguet, donc qui est le porte-parole et tout ça, qui a organisé la campagne 2024, a avoué qu'il était obligé de se pencher dessus parce qu'on peut pas ignorer. Il était obligé, tu l'as bien. Oui, il est obligé. Il est obligé parce que effectivement, c'est un mouvement, on va dire presque sociétal, qui fait que, alors d'une petite partie de la société, certes, mais qui génère finalement de l'argent. Alors c'est beaucoup plus quelque chose qui est développé aux États-Unis, clairement. Ouais. En Europe, ça l'est un petit peu, mais vraiment, c'est encore presque marginal. Et en Orient, c'est. Enfin, ce qui est bizarre, c'est que c'est les pays quand même qui créent les, enfin qui créent beaucoup de jeux vidéo, qui créent les consoles et tout ça. Mais c'est pas quelque chose qui est très très développé chez eux. Et qui ont les meilleures connexions internet, qui ont les meilleurs et les meilleurs joueurs aussi en général d'ailleurs. Mais que sur certains jeux ciblés et que sur, enfin ouais voilà, c'est vraiment du StarCraft et tout ça à fond. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui me fait moi personnellement plaisir parce que c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Et voilà, donc à voir si en 2024 ça sera adopté. Je sais que il y a des débats même sur les vrais sites de pur sport, on va dire foot et tout ça. Oui. Des débats qui sont un petit peu lancés par rapport à l'e-sport. Et donc voilà, à voir d'ici ça fait combien, d'ici 7 ans. Ouais. Il y a même des quotidiens maintenant, genre je crois que c'est Kicker, c'est un quotidien allemand voilà, qui est c'est l'équivalent de l'équipe hein, clairement. Et qui a une rubrique e-sport dans ses... Mais il y a une émission, par exemple, sur Canal, le Canal e-sport Club, il y avait sur l'équipe 21, ils suivaient la saison de Ligue 1 de FIFA. Après, c'est forcément, il va falloir t'y faire, Jonathan. D'accord, ok, bah, on verra ça, donc, dans 7 ans. D'ici là, on a le temps quand même. Alors après toutes les chansons qu'on a fait écouter les dernières semaines, issues de FIFA, de Tony Hawk, tout ça, cette fois, c'est une musique de PES 2011 qu'on vous fait redécouvrir peut-être. Une musique de PS 2011 qui s'appelle Stop for a Minute, c'est de Keane et Keenan, on se retrouve tout de suite après. Sometimes I feel like it's all been done. Sometimes I feel like I'm the only one. Sometimes I wanna change everything I've ever done. I'm too tired to fight and yet too scared to run. I'll never stop for a minute. Who has no faith? beautiful from crown to your cuticles. You held down my two sons, you never frown when duty calls. You know me, I gave you more than you can handle, but you still keep a handle on it, even when I take something beautiful and vandal on it. No more females, well how come my emails got notes on a scandal? It's like Eve with the apple, a priest in the chapel, overcome by the devil's tackle. I'm still shackled, never stop for a minute. I'm just a fiend, consumed by the scene. And I'm the first to admit it. Without you, I'm a liner stranded in an ice floor. The stage and the screens where it's just me and King. Vous écoutez BLE Radio partout en Lorraine sur bleradio.fr. BLE Radio. Eh oui, hein, ça nous rappelle des souvenirs. PES 2011, à l'époque où il y avait encore une super soundtrack dans les PES. On en parlera la semaine prochaine d'ailleurs, puisqu'on va faire un gros débat. Tout à fait. PES contre FIFA la semaine prochaine. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous envoyer un message privé sur la page Facebook GameTrip.net ou BLE Radio officiel. Hashtag GTFM, hashtag BLE Radio sur Twitter, si vous voulez nous contacter. C'était donc Keane et Keenan. Keenan, on s'en rappelle, il avait fait Waving Flag, l'hymne de la Coupe du Monde 2010 aussi. Ah oui, d'accord. Voilà, c'était un Somalien, je crois, qui était sorti de la rue et qui s'était retrouvé propulsé en tête des hit parades. Voilà, on va maintenant parler du test de la semaine, du coup, puisqu'on l'a dit tout à l'heure. C'est les 20 ans de Oddworld, l'Odyssée d'Abe, à l'occasion des 20 ans de la série. Il y a le jeu qui est sorti en version gratuite. C'est ça, sur Steam cette semaine, pendant une durée limitée, donc c'était je crois pendant... Jusqu'à hier, voilà. Et du coup, bah là, on est en train de regarder, il est encore à 2,99€ sur l'Humble Bundle, et il était à 1€ quelque chose sur GOG. Mm. Donc si vous n'avez pas encore joué à ce superbe jeu, on vous invite à y aller. Oddworld, c'est une histoire super intéressante et très magique. Elle a été inventée en 94 par Lorne Lanning. 94, c'est 3 ans avant la sortie du jeu, donc ils ont mis quand même pas mal de temps à créer tout ce petit monde, l'univers. C'est un monde, on va dire, apocalyptico, futuriste, avec des extraterrestres. Il y a un peu de Blade Runner dedans. Bon, clairement, c'est... Toute proportion gardée. Il y a un peu de cyberpunk. Et en même temps, c'est un peu un monde à part où, alors il y a beaucoup de végétal, il y a beaucoup de métal. On n'est pas vraiment dans du steampunk, on est plutôt dans un monde à la... Moi, j'ai trouvé ce monde un peu un monde à la Lost, la série Lost. Moi j'aurais dit genre Fallout, mais enfin oui, au Fallout, ouais c'est ça. Mais bon, le truc qui diffère du reste, c'est que ça se passe dans un monde extraterrestre inventé donc par Lorne Lanning. En fait, il a profité de la création de ce monde pour donner un point de vue assez fort, un engagement personnel à lui hein, sur sa vision du monde moderne. C'est-à-dire que Abe, donc le personnage principal, il s'appelle Abe d'ailleurs au passage parce que c'est le pseudo d'Abraham Lincoln sur Caramel. et du coup, les Caramel, types... Caramel, oh my god. Voilà, chat. Les types d'Oddworld Inhabitants, donc ceux qui ont créé ce jeu, étaient des grands fans d'Abraham Lincoln, donc ils ont appelé ce personnage Abe. Voilà, vous pouvez sortir ça en convention hein, si jamais. Ah, c'est... Ouais. Et donc c'est un personnage de la race des Mudokons. Alors on ne rigole pas, c'est une peuplade pacifique. Oui, bah oui, tu la bouges ta caisse, Mudokon. C'est une peuplade pacifique et un peu babacool qui est en communion avec voilà, ils font l'amour avec les arbres, des trucs comme ça et la peuplade là elle est exploitée par Rupture Farms qui est un abattoir industriel on va dire avec des mecs avec des gros cigares qui aiment le pognon, les voitures de luxe. Enfin, c'est des extraterrestres, hein, j'extrapole un peu, c'est pas ça, mais c'est ça ce qu'on ressent. Et pour résumer, c'est une sorte de combat entre bah, voilà, les vilains capitalistes contre les gentils arborigènes. Voilà, on va écouter juste un petit coup de This is Rupture Farm. C'est une des musiques du jeu qui vous donne un petit peu l'ambiance métallique, industrielle, un peu cyberpunk. Un peu Batman aussi, hein, tu trouves pas ? En fait, il dénonce une société. Exactement. Il dénonce la société. Quel visionnaire, quand même. Alors voilà, c'est une utopie sociale, en fait. On incarne les gentils hommes des forêts, un peu neuneux, et qui vénèrent des animaux, des arbres, tout ça. Mais utopie, excuse-moi la question, utopie, c'est pas quelque chose qu'on voudrait pour être le mieux, en fait ? Enfin, c'est pas l'idéal, en fait, l'utopie ? Si. Si ? Donc c'est son idéal, en fait, c'est ça ? Je sais pas. D'accord. Je sais pas, parce que là, j'ai lu la jaquette du truc de l'époque. Non mais clairement, voilà, c'est à peine caricaturé, mais on sent très bien que c'est une volonté du gars de faire les gentils extraterrestres qui vivent dans les bois contre les méchants qui font du métal, enfin pas de la musique métal, hein, de l'industrie, qui travaillent. En fait, tout se passe dans le premier jeu. C'était pas sur Hayange en fait. C'est quasiment. Tout se passe dans Rupture Farm, dans le premier épisode, et sur cette planète, la planète Oddworld, et donc la race ancestrale des Mudokons, dont fait partie Abe, est réduite en esclavage par les Glucons, donc ça c'est les méchants, et comme c'est un héros et qu'il a qu'est-ce que ça à foutre de ses journées, il va entreprendre un premier exode qui va le conduire en dehors de l'usine. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va aller dans les autres emplacements de cette usine où il travaille, il va aller dans d'autres services, il va retrouver des congénères à lui, et il va leur dire suivez-moi. Des mus de congénères du coup. Des mus de congénères, exactement, bien joué. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Et ben un peu comme Moïse, il va les conduire. Non mais c'est vrai. En plus, il y a vraiment une symbolique Moïse dedans parce qu'il va les conduire en dehors de cette usine. Et ça tombe bien parce qu'en fait, les Mudokons, dans le lore, donc dans l'univers de Oddworld, les Mudokons, c'est un peu le peuple élu. Le chef spirituel de ce peuple élu est venu parler dans les rêves d'Abe pour lui dire de revenir dans sa terre natale, donc dans la forêt. Et voilà, donc du coup, on sent qu'il y a une petite symbolique aussi un peu presque religieuse derrière. Donc je l'ai dit, l'univers, bon, il est magnifique. Les développeurs ont créé un système de gameplay qui s'appelle Alive à l'époque pour donner vie aux PNJ. Et pour favoriser l'intelligence artificielle, parce qu'à l'époque, en fait, bon, l'intelligence artificielle n'était pas forcément développée en 97 dans les jeux, pas super bien développée. Il n'y a qu'à se rappeler de l'intelligence artificielle de GoldenEye 007 sur Nintendo 64, où on pouvait marcher devant lui et courir et tirer à côté et il ne voyait toujours pas où c'était. Et bien, Abe, là, pour le coup, il peut rencontrer ses congénères et leur dire des choses avec un truc qui s'appelle le Game Speak. C'est aussi un truc qu'ils ont inventé à l'époque. Alors vous avez forcément tous entendu au moins une fois Abe faire ces genres de bruits. Là il râle. Là il dit tu suivez-moi. Stop it. Et donc là, tout le monde connaît ce truc-là, c'est quand il invoque les esprits. Voilà. C'est comme un point and click, en fait, il a un répertoire d'action et... Basé sur de la voix, du coup. Ça, c'est d'autres personnages. Voilà, donc, en fait, le déroulé des tableaux, c'est toujours la même chose. Abe, il traverse les écrans horizontaux, c'est un jeu de plateforme. Il rencontre des congénères, il lui dit « suis-moi, attends ici, machin ». Et le but du jeu, c'est pas qu'il se fasse défoncer par des glucons qui sont en train de monter la garde. Donc du coup, il y a un petit peu de puzzle game dedans où voilà, il faut dire à un certain moment « attention, reste là, ne me suis pas parce que là, je vais me faire avoir » ou « fais ci, fais ça ». Honnêtement, à l'époque, c'était une super grosse révolution. Ça, c'était le système Alive qui était basé aussi sur le GameSpeak. Donc ça, c'était deux systèmes qu'ils avaient inventés à l'époque. Et Abe, en plus de raconter des conneries, il peut aussi péter. Bon, je dis ça comme ça parce que c'était très rigolo à l'époque de voir Abe péter. Ça l'est toujours. Hein. Oui. D'ailleurs, je crois que dans les épisodes suivants, en pétant, tu pouvais faire transiter ton esprit dans ton P pour te faire voler à un autre endroit. Enfin, c'est devenu très très con. Ça a été très très loin. Et ce qui est encore plus marrant, c'est Abe qui prend possession du corps de sa cible. Donc quand il fait son invocation un peu chelou là, qui fait du bruit, il peut prendre possession de l'esprit d'un glucon et il peut jouer avec lui. Donc tu peux jouer dans la peau du glucon et donc après aller dans des tableaux qui te sont interdits d'habitude. Est-ce qu'on peut péter en étant glucon? Alors non, par contre les glucons font des bruits super chelous qui ne servent pas à grand chose mais qui sont l'équivalent du P. Et il y a des rires, il rit beaucoup aussi. Après que dire d'autre, l'ambiance musicale elle est discrète et en même temps elle est super essentielle au jeu parce que c'est très toujours dans cet univers un peu métallique, métallisé comme ça, elle est super discrète. Comme je disais tout à l'heure, il y a un genre de Lost dedans aussi pour le son. Le compositeur de Lost, Michael Giacchino, à l'époque il avait expliqué que pour faire la musique de Lost, il avait utilisé des bouts de carlingue d'avion, vraiment pour rappeler justement l'avion qui s'était explosé sur l'île. Et là, c'est un peu pareil. Tu sens que la musique métallisée, elle a été faite justement avec des pièces de récupération, du métal, du fer, pour rappeler un petit peu cette ambiance. Oddworld, donc c'est le premier épisode du nom. C'est hyper drôle. En même temps, c'est super onirique. Quand t'es un peu plus vieux, parce que quand t'es gamin, tu comprends pas ça, mais quand t'es un peu plus vieux, tu comprends aussi tout l'aspect religieux et un peu dénonciation aussi de notre monde moderne derrière. Et est-ce que la fin est meilleure que la fin de Lost ? Je ne dirai rien pour ne pas spoiler la fin de Oddworld, mais la fin de Lost, c'est vraiment de la... Alors, voilà. Juste un dernier mot pour vous rappeler qu'au début de la saga, Oddworld avait dit qu'il prévoyait une sextologie... je sais plus comment on dit, mais... Sexologie, c'est autre chose. Ouais, un truc dans le genre. Bon, 6 épisodes. Ensuite, on nous a dit que ce serait des épisodes tournés autour des personnages centraux. Donc, il y a eu Abe et Munch, qui était le deuxième personnage principal. Donc, il y a eu l'Odyssée d'Abe, l'Exode d'Abe. Après, il y a eu l'Odyssée de Munch. Et finalement, ils ont abandonné l'idée... Derrière, il y a eu La Fureur de l'étranger, qui était un épisode sur l'étranger, qui était encore un autre personnage. Et finalement, après, ils ont fait des remakes. Après, Munch est devenu un monstre. Monster Munch. Ok. J'essaie de la voir, celle-là. Voilà, donc en fait, finalement, ils sont complètement partis dans d'autres trucs. Et puis finalement, ils ont fait des épisodes HD. La Colère de l'étranger, La Fureur de l'étranger est revenue en HD en 2010 sur PC et PS3. L'Odyssée de Munch en HD en 2010 sur PC et PS3. C'est un bon moyen aussi de revenir peut-être dans... Si vous voulez pas vous retaper toute la série, de recommencer avec ces épisodes-là qui sont un petit peu plus jolis. Et puis le dernier, c'était... Oddworld New and Testy en 2014, PS4, PS3, Xbox One, PC, PlayStation Vita, Wii U. Voilà, c'est un remake du premier. Donc si vous voulez rejouer à Abe Odyssey, moi je vous conseille quand même de jouer à l'original parce que le remake, ils ont mis une esthétique un peu cartoonesque qui enlève totalement le côté sombre de cet univers. Donc c'est pas génial. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, en 2018, il y aura la suite de ce Oddworld New and Testy qui va sortir. Ce sera aussi de la HD 2,5. Et ça a été présenté à l'E3 dernièrement. Ça va s'appeler Soulstorm. Et ça va se concentrer autour d'un groupe de gens de l'univers de Abe. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais ce sera encore plus sombre et encore plus... comment on va dire, métal justement, que les anciens épisodes. Et on attend ça évidemment l'année prochaine. Ce sera sur. Je n'en ai aucune idée. Non, c'est pas indiqué. Mais ce sera au minimum sur PC et on y jouera forcément parce que l'Odyssée d'Abe et Oddworld, c'est un super jeu. En attendant, on va. Cette conclusion, conclusion magnifique, t'as vu hein, cette transition. Oh bah c'est un métier. En parlant de super jeu, on va parler maintenant de super série. That 70 Show, une série qu'on adorait, et on va écouter Cheap Trick qui avait fait la bande originale à l'époque et cette musique, That 70 Song. On se retrouve tout de suite après pour parler de Je Oldies. On attend le Hello Wisconsin. Mais il ne viendra jamais. Il vient pas. Si, il vient à la fin. Il vient à la toute fin. On s'en fout, on bouffe la musique complètement. De toute façon, les couplets, on s'en fout, ils sont pas intéressants. Ouais. C'est là. Non. Non, il vient. Si, il vient, je te jure, il vient. Ah oui, c'est moins... Ça braille moins que dans le générique, quand même. Ouais. Et voilà, vous entendez le téléphone qui se compose, puisque nous allons appeler un auditeur. Pourquoi donc ? Pourquoi qu'on va appeler un auditeur ? C'est parce que dans quelques instants, on va faire un petit quiz auditeur contre chroniqueur. Et à mon avis... Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, qui est à l'appareil ? C'est Julien. Ah bah salut Julien. Bonjour. On t'appelle parce qu'on va faire un petit quiz. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Est-ce que tu as révisé ? J'étais justement sur mes fiches là. Ah. Et j'espère que ça va tomber, parce que j'ai dû faire l'impasse sur 2-3 sujets. J'espère que ça va tomber sur ce que j'ai révisé. Alors, faut savoir que Julien a un master de gameologie à l'université. Il fait beaucoup de cours de manette sur sur Frame. Exactement, à l'université Paris 4. Je suis docteur en gameologie. Exact. Du coup, je dis toujours que je suis docteur, mais la dernière fois, il y a quelqu'un qui a eu une crise cardiaque. Et tu l'as pas sauvé, du coup, logique. Non, mais je suis docteur. Ok. Laissez-moi faire. Alors, attention. Et on va compter les points. Alors, faisez bien gaffe, j'ai envie de vous dire. Tu notes les points, du coup ? Je note les points. Voilà. Donc, ça va être un petit quiz sur les jeux oldies, hein, puisque c'est la thématique aujourd'hui avec Oddworld qui fête ses 20 ans. Si c'est au-delà de 30 ans, c'est mort, j'étais pas né. Lui non plus. Enfin, d'accord. Je pense. Ouais, donc voilà, j'étais trop petit. Est-ce qu'on a un buzzer ? Non ? Non, vous n'avez pas de buzzer, c'est le premier qui répond. Première question, Donkey Kong devait initialement s'appeler Monkey Kong. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est faux. C'est faux. C'est faux ? Vous dites tous les deux faux. C'est vrai, en fait, un fax mal lu. Un fax mal lu le transforma en Donkey, en fait, quand ils ont reçu le fax en disant « Ouais, on est en train de construire un jeu qui s'appelle Monkey Kong » et les gars, ils ont lu Donkey. Donc c'est devenu Donkey. On est vraiment pas bon en fait. Non, mais je me suis dit, il y a un piège forcément, s'il pose la question, c'est que c'est faux. Et en fait... Oui, mais j'ai dit j'ai une chance sur deux. Bah voilà, en plus ça va être que ça. Hein. Deuxième question, encore plus compliquée. Non, je déconne. Tetris vient de tetra qui veut dire 4 en latin. Vrai ou faux ? Vrai. Faux. Parce qu'il a dit vrai. Ah d'accord. Eh ben c'est vrai, c'est Jérém qui a le point. Toutes les pièces sont... Si vous regardez bien, toutes les pièces sont formées de 4 blocs. Bah oui, forcément. Donc 4, voilà. Oui. 4, les 4 couleurs primaires. 4 dimensions, tout ça. Oui, les 4 plaies d'Égypte. Voilà, ça, les 4 doigts de la main. une nouvelle question. Le nom de Mario proviendrait d'un businessman américain qui louait des locaux à Nintendo. Ça, c'est vrai. Ah. Faux. T'as vu comment il est ? T'as vu cette assurance ? Je sais pas. Eh ben, cette assurance est bien vraie, puisque s'il s'agit de Mario Segale, l'histoire veut que. Je sais pas si tu connais l'histoire, Julien ? Oui, je vous laisse la raconter. Non, l'histoire veut que ce soit un mec de la branche américaine de Nintendo qui soit rentré au moment où ils étaient en train de discuter de ce nouveau jeu. Il est rentré pour demander sa fiche de paye parce qu'il avait pas reçu en gueulant. Et les gars, ils ont fait hey, mais ce gars-là, c'est typiquement Mario. Ah, comme le, je sais pas si vous avez vu la pub avec quand ils veulent la forme du nouveau hamburger chez Quick là, et qu'il y a un stagiaire qui rentre avec une coupe à la brosse, et que du coup ils font un truc qui ressemble à ça. C'est trop. Bah c'est un peu. Voilà, comme quoi les meilleures histoires viennent de trucs à la con. Hein, ah ouais, y a moyen. Ouais. Allez, on en est à combien là ? 2-1 pour notre auditeur, pour Julien. Ah bon ? Non, oui. Un partout. Ah bon ? Non, un partout, oui. Non, 2-1. Ah oui, bon, bah, j'écoute le chef, il y a 2-1 apparemment. Non, bon, il y a un partout. Je suis destiné à perdre. Ok, il y a un partout. Le nom de Samus dans Metroid proviendrait de Seamus McFly dans Retour à l'Futur 3. C'est faux. Non. C'est faux, vous avez bien raison. Mais non. Je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs. Mais, ça vient de Samuel Beckett. D'accord, c'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est pas vrai. Ah d'accord. Ok, 0 point pour moi. Attends, si ça se trouve, c'est vrai. Oui, on ira vérifier ça. On ira vérifier. Nouvelle question. La console la plus vendue de l'histoire du monde entier est la Game Boy et la Game Boy Color. Il y a moyen. Ouais, oui, je pense, oui. Ça, c'est parfaitement faux. C'est parfaitement faux ? Ouais. Tu as raison. Ah. Ça a été pendant très longtemps la première. Ils ont vendu 118 millions d'unités, mais elle a été battue par la PlayStation 2 il y a quelques années. Ok. Exactement. Et la DS juste après. Ah, c'est dur d'être confronté à un docteur en toxicologie. C'est ça. Laissez-moi vous occulter. Alors toujours un partout. Toujours un partout. Non, deux partout. Deux partout. Ah d'accord. Pas du tout. Si. Si. Ok. Mais attendez, non, là je gagne là, non ? Ah, vous êtes deux ou non ? Vous êtes 3-2. Non, 3-2. Non, 2-1. T'as raison. 2-1 pour Julien. En débloquant les 5 personnages cachés de Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 sur PSX, le jeu se renommait. Fou. Absolument pas. Bah c'est vrai, il se renommait Ultimate Battle 27 du coup. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai. Mais c'est débile. Mais c'est tout à fait vrai. Le jeu n'existe même pas. Oh, arrêtez. Toujours 2-1. Le créateur de Space Invaders s'est inspiré d'un de ses rêves. Vrai. Faux. Je dirais de Planet 9 from Outer Space. Non, et c'est Jérém qui a juste, c'est vrai, il rêvait des écoliers japonais qui attendaient le Père Noël et qui se faisaient attaquer par des extraterrestres. Ah, moi je rêve beaucoup d'écolières japonaises. Ouais, Yamate Konesai. Donc voilà, et donc on en est à 2-2. Attention, bah question subsidiaire du coup. Celui qui répond juste à cette question. Je subsidie. Voilà, celui qui répond juste à ces questions gagne le droit de rejouer la semaine prochaine. Ah. Après, ouais. Tetris qui a eu 425 millions d'unités vendues, le jeu le plus vendu de tous les temps, Pac-Man. Est GTA V. Ah. Vrai ou faux? Faux. Jérém dit faux. Ah, vous dites faux tous les deux? Bah, je suis désolé. Eh ben, vous avez raison. Alors, question subsidiaire supplémentaire, qui est le jeu le plus vendu de tous les temps? Pac-Man. Non. Ah bah non, je sais déjà pas tout à l'heure. Tomb Raider. Qu'est-ce que tu dis, Julien? GTA San Andreas. Non. Tomb Raider. Non. Alors je vais vous le dire, tant pis, vous êtes tous les deux perdus, vous êtes des mauvais. Vous êtes mauvais, Jack. Non, c'est Minecraft. Oh my god, non, pas Minecraft. On avait dit un jeu vidéo, pardon. Oui, non, mais voilà, s'il te plaît. Revois tes critères. Bon, alors en dessous de Minecraft, c'est Wii Sport, 82,7 millions d'unités. Oh. Hein, ça en dit long, hein, quand même, sur l'histoire. Ah ouais. Mais ça s'achète, Minecraft? C'est vendu? Ah bah, c'est vendu, peut-être, ça s'achète, ça je peux pas dire. Incroyable. Voilà, bon bah merci Julien. Finalement, c'est un match nul, mais on te donne quand même le point. C'est gentil, non, mais c'est comme l'école des fans. C'est dimanche matin, j'avais voilà. Tout le monde a gagné, exactement. Est-ce que du coup, on peut quand même dire qui tu es dans la vraie vie, vu que tu n'as pas trop été mauvais? Bah ouais, tu peux y aller du coup. Allez, on vous invite à aller voir gameup.com. Gameup.com, c'est? Ouais. Julien est rédacteur en chef de GameUp.com, site d'actualité de jeux vidéo, et voilà, il s'était dit que s'il gagnait, bon, il pouvait donner sa fonction, et s'il perdait, ben, du coup, on n'allait pas la dire, parce que quand même, ça foutait l'archouma, comme on dit. Hein. Voilà, un gros lâche. Voilà. Ok. Bon, merci d'avoir participé pour cette petite battle entre rédactions. Je t'en prie, avec plaisir, Jonathan. Gros bisous, et puis on se revoit une prochaine, sans doute. Yes, avec plaisir. À bientôt. Bon week-end. Ciao, ciao. Ciao. Et on va continuer sur les oldies du coup avec les news oldies, hein, puisqu'on n'en a pas encore parlé. Pour ceux qui sont pas au courant, tout ce qu'on vient de dire là, toutes ces anecdotes sont sur GameTrip.net. Une petite partie qui s'appelle Encycle Oldies, et dedans vous pouvez retrouver plein d'anecdotes de ce genre. Donc si jamais vous voulez les réviser ça pour la prochaine, du coup, j'aurais pas dû le dire. Voilà, donc c'est sur GameTrip.net, vous pouvez aller voir ça directement. On va parler Oldies très rapidement parce qu'on est genre méga à la bourre. On va parler de l'HTC. Non, on va parler de la Gear VR. Pas du tout. On va parler de la Commodore 64 VR. Justement, j'en ai parlé tout à l'heure. Oubliez donc tout ce qui est HTC, HTC Vive, Oculus Rift, Gear VR, tout ça. Maintenant, c'est la Commodore VR 64. C'est des petits développeurs. Il y a un développeur qui s'appelle 64 Jim 64. C'est un homebrewer, comme on l'appelle. Donc, il fait ses trucs lui-même. Et il a créé un premier casque de réalité virtuelle pour le Commodore 64. Pour rappel, hein, le Commodore 64, c'est quand même un micro-ordinateur qui est sorti en 82 avec un super processeur cadencé à 1 MHz et 64 kg de RAM. Et en fait, il a créé son propre casque à réalité virtuelle avec un écran LCD de 26$, une coque vide de 10$ et un adaptateur secteur de 13$. C'est pas cher donc. Il n'y a pas de gyroscope, hein, faut pas déconner non plus. Mais en tout cas, ça permet donc de jouer avec le Commodore 64 sur son nez finalement. Pour ça, en fait, il a juste splitté, on va dire, les images, puis il les a mis de chaque côté du nez pour faire cet aspect 3D, quoi. Et il est même possible de tester un premier jeu qu'il a créé, ça s'appelle Street Defender, ça a été développé, et ça nous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je n'y ai pas encore testé, mais je pense que je vais aller voir. J'imagine que ça doit bien piquer les yeux quand même. C'est ça qui me fait un peu peur, mais on en parlera aussi tout à l'heure sur le débat VR. Je pense que tous les casques de VR piquent un peu les yeux au final. On va parler vite fait aussi de Metroid Samus Returns. C'est un des meilleurs jeux d'action-aventure 2D de ces dernières années, selon les tests qui sont déjà sortis sur Internet. C'est le remake. C'est potentiel remake de Metroid 2 Return of Samus sur Game Boy en 91. Et apparemment, ce nouvel épisode, il y a une nouvelle histoire qui a été refaite dedans. C'est toujours de la 2D. C'est plus qu'un hommage, c'est vraiment un nouveau jeu quasiment. Et il est bien meilleur que l'original, même selon plusieurs tests que j'ai lus sur Internet. Sur Metascore, il a eu 88 sur 100. Et en score utilisateur, il a eu 8,7 sur 10. Donc comme quoi, ça a l'air d'être vraiment un super jeu. Il est sorti le 15 septembre dernier. Et donc vous pouvez vous le procurer sur 3DS. Final Fantasy 9 qui revient sur PS4. On rentre plus trop dans la ligne éditoriale parce que le jeu est sorti un poil trop tard pour nous, c'est des années 2000. Final Fantasy 9, c'est pas le plus connu mais c'est pas le moins bon non plus. Tu y as joué ? Oui. Oui non, le 9 est pas mal. Il est pas mal. Ouais. Il revient en portage HD lui aussi, c'est 21€ sur le PS Store de la PS4, c'est sorti il y a quelques jours. Vous pouvez y aller si vous voulez redécouvrir Final Fantasy tout simplement. Et une news qui nous vient d'un auditeur de Game Trip FM, Jack, et on le remercie. Le 7e Bourgogne Game Show qui débarque ce week-end, un salon en Bourgogne apparemment plutôt cool, je ne le connais pas, mais lui il y va, il pourra peut-être nous faire un petit compte-rendu la semaine prochaine. C'est à Pouilly en Auxois, en Bourgogne, c'est le plus grand rassemblement de flippers du monde. Il y a beaucoup de... c'est le salon du flipper et du jeu de café, bon ça on s'en fout un peu, mais il y a 150 jeux en borne, en accès libre, et beaucoup d'arcades, dont les très connus, Sega Rally, Silent Scope, House of the Dead, tout ça. Il y a du Street of... comment ça s'appelait encore ? Pas le Street of Rage, il y a le Final Fight et tout ça, là, c'était sur borne d'arcade aussi, ça, tout ça. Ouais, ils ont quasiment tous été sur borne d'arcade à un moment ou un autre. Ouais. Les bornes d'arcade au Japon, il y en a encore partout. Et oui. D'ailleurs, on en parlera aussi dans la partie débat VR, les bornes d'arcade, les salons d'arcade, non pas les salons, comment on appelle ça ? Oui, les salons de bornes d'arcade. Les salles d'arcade. Sont un petit peu en baisse, mais du coup il y a des salles de VR maintenant qui se font à la place, donc ouais. du coup, ça permet peut-être de refaire un petit peu de business autour de ces salles d'arcade. On va parler de la musique de la semaine comme chaque semaine à peu près à midi et quart, il est midi 16, on n'est pas loin. Et la musique de la semaine ça va être Oddworld, du coup on a déjà entendu tout à l'heure Oddworld, l'Odyssée d'Abe, et on va parler un petit peu de sa musique, c'était pas du tout ça sa musique, c'est ça plutôt, voilà. Alors c'est une musique qui a été composée, je vais vous apprendre des choses, par Helen Meyers. C'est une artiste, une compositrice hollandaise qui a ensuite fait carrière dans l'orchestration de jeux vidéo. À la base, elle fait beaucoup de musique d'ambiance, dont cette musique, et dont quelques autres musiques d'ambiance du CD d'orchestration d'Oddworld. Elle s'est chargée notamment de jeux iOS d'Apple, donc ça on s'en fout, mais surtout LucasArts période récente. Alors on lui doit par exemple les musiques de Lego Star Wars 2, de Star Wars Battlefront 2, de Star Wars 3 Revenge of the Sith, et d'Armed and Dangerous aussi dans les années 2004-2005. Et puis chez Oddworld Inhabitants, elle a fait Oddworld L'Exode d'Abe, le deuxième épisode qui est sorti en 98, et après Munch Odyssey, le troisième, donc on va dire la trilogie originale d'Oddworld. Elle a bossé avec Crystal Dynamics, le studio de Tomb Raider notamment. Et à chaque fois, les critiques sur les effets sonores et sur ces musiques, ils étaient dithyrambiques. On dirait une musique pour prendre son bain un petit peu. Ouais, une musique de relaxation. Ouais. De ASMR même. C'est, ouais. Là, quand je disais c'était une musique un peu métalliste et super épurée, ça c'est le thème original, c'est typiquement ce qu'on entend dans le jeu. Et en même temps, c'est un peu onirique à certains passages. Moi, ça me rappelle beaucoup la soundtrack de Fight Club et surtout une musique qui s'appelait With Tyler Durden des Dust Brothers. Vous allez chercher sur internet, taper sur Google Dust Brothers with Tyler Durden, et voilà, ça me rappelle un petit peu ça. Alors cette nana là, elle a reçu en 97 un Editor Choice Award du meilleur son pour l'Odyssée d'Abe, et elle a été finaliste l'année suivante de l'Achievement Award in Sound and Music. Ça c'est quand même un gros truc, puisque c'est lors de l'Interactive Achievement Award Art of Science, donc c'est quand même une espèce d'Oscar on va dire des jeux vidéo. Et puis la dernière participation connue de sa part, c'est Marvel Heroes en 2013. Elle a été directrice artistique du son, là encore c'était plutôt une bonne orchestration dans ce jeu. Et pour l'anecdote, juste comme ça, cette musique et d'autres ont été ressorties dans un album d'anthologie des jeux sur PSX en vinyle en 2015, un 33 tours avec les sons des deux premiers jeux. C'est un vinyle qui a été limité à 500 copies, donc pour la trouver, il va falloir y aller. Il y a 12 pistes sur la face A, 5 sur la face B, et tout ça, ça coûte 148€. En fait, c'est un 33 tours avec 3 bouquins sur l'anthologie de la PSX, donc il n'y a pas que ça. il y a tous les jeux de la PlayStation, ça parle de l'histoire de la PlayStation, et dedans, donc, il y a ce 33 tours avec ses superbes musiques. Là aussi, on vous invite à aller le trouver sur Internet, si jamais, au moins pour l'entendre, parce que pour le trouver, ça va être compliqué. Et puis, un dernier mot sur la musique de Oddworld, c'est que plus récemment, il y a eu donc, on l'a dit tout à l'heure, comment ça s'appelle, New and Tasty, le nouveau jeu. Et plus récemment, il y a eu donc cette musique de Elodie Adams. Alors, pour la petite anecdote, Elodie Adams, c'est une grosse fan, qui était tellement fan d'Oddworld, qui a composé une musique, et elle s'est fait repérer, et elle a eu le droit de faire le générique de fin de ce nouvel épisode. On est quand même vachement loin de l'orchestration originale. C'est tristouné quand même. C'est joli, mais c'est tristouné. L'histoire est tristounette. Mmh. Donc c'est normal. Ça, ouais, ça pourrait être un générique de série... J'allais dire de 007. Ouais. Ça fait du Skyfall un petit peu. Ouais, non, c'est vraiment sympa d'ailleurs, ouais. Allez, tout de suite après Alice Merton, No Roots, on revient pour parler de l'AVR et puis c'est tout en fait. Hein, voilà. Oui, ça sera déjà pas mal. Voilà, à tout à l'heure. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no I'll say a different land, but I've got memories and travel like gypsies in the night. I count gates and numbers, then play the guessing game. It's just the place that changes, the rest is still the same. But I've got memories and travel like gypsies in the night. Écoutez BLE Radio partout en Lorraine sur bleradio.fr. Et de retour sur BLE Radio pour Game Trip FM et la dernière partie avec notre gros débat cette semaine, la réalité virtuelle. On en parle parce que vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a eu le C64 VR qui va sortir. Il n'y a pas un jour où on ne parle pas de la réalité virtuelle dans les jeux vidéo. Exemple, cette semaine, on parlait d'un gros boom, je te disais tout à l'heure, des salles d'arcade en réalité virtuelle. Elles ont été délaissées au milieu des années 90 au profit des consoles de salon, hein, les salles d'arcade. Et ben finalement, aux quatre coins du monde, il y a des grosses salles d'arcade, genre le MK2 VR en France, le Mind Out. Tout ça, c'est des salles de réalité virtuelle qui ouvrent à un rythme quasi quotidien. Et voilà, c'est chaque jour, dans les news, on voit des nouvelles infos sur la VR. Par exemple, là, cette semaine, qu'est-ce que j'avais repéré aussi? Au salon IBC, il y a Adobe qui a mis dans sa Creative Cloud, donc sa suite de logiciels Adobe. Dans Adobe Premiere, ils ont mis maintenant un support VR pour faire du montage en VR avec un casque de réalité virtuelle. Ah oui. Voilà, il y a plein de choses qui sortent. Google, là, qui a racheté en partie HTC il y a quelques jours. Mm-hmm. et qui va se charger en partie de développer sans doute le casque Vive. Bon, Vive, ça représente un peu moins d'1% du marché, je crois, donc bon, c'est pas très intéressant pour eux. Et puis après, bah, voilà, les ventes de casques réalité virtuelle, j'ai regardé les chiffres du cabinet IDC, le dernier rapport, la distribution mondiale de casques de réalité virtuelle et réalité augmentée a augmenté de 25,5% d'année en année au second trimestre 2017. Et ils atteignent aujourd'hui 2,1 millions d'unités. Est-ce que la réalité virtuelle, c'est le futur, tout simplement, du jeu vidéo maintenant? Alors, pour moi, enfin, le futur peut-être pas, mais une sacrée alternative, oui, qui ouvre clairement d'autres horizons, en fait. Parce que, bah, comme on en parlait un petit peu la semaine dernière, les jeux, ils ont besoin déjà de background et tout pour être appréciés par les utilisateurs. Mmh. Et forcément, plus un jeu a de background, plus un jeu a d'ambiance et tout ça, plus le rendu en VR va être prenant, va être stressant, va être flippant et tout ça. Et je pense que quand on se met devant sa console ou devant son PC, le but du jeu, c'est de ressentir des choses qu'on ne peut pas ressentir en faisant, je dis n'importe quoi. Bref, on s'est compris. Mais je vais parler d'une expérience personnelle, 2 minutes. Moi, j'ai testé donc le casque VR de la PS4. Ouais, Voilà, et du coup, alors il y a forcément le jeu de démo, rien que ça, on voit clairement, voilà, c'est bien foutu, c'est prenant et tout ça. Mais j'ai testé la démo de Resident Evil, et franchement, j'ai transpiré, oui. Clairement. Oui, oui. C'est petite marque même dans le caleçon, un petit peu. Ouais, c'est presque ça. Et en fait, quand je suis sorti, en fait, donc je suis sorti de là, enfin, j'ai arrêté de jouer, et encore un quart d'heure après, j'avais presque le rythme cardiaque qui n'était pas encore tout à fait redescendu, parce que c'est, on sait qu'il va se passer quelque chose, on sait juste pas à quel moment, enfin, comme dans le jeu de base, sauf que là, on vit la chose vraiment, c'est horrible, mais c'est génial. Ouais, ouais. C'est comme les gens qui vont à la fête, enfin, on va dire, à la fête foraine pour faire les. Ouais, dans les roller coasters. Ouais, voilà. Alors, perso, moi, je suis de ce type de gens-là, autant faire l'attraction qui va à son summum, mais après, forcément, ça va s'adresser à un public moins varié que les jeux qui revendiquent d'aller jusqu'à 60 ans, par exemple. Je pense qu'on est plutôt d'accord sur ce point-là. Clairement, on arrive à une période où il y a l'évolution du jeu vidéo va passer par là. Je vois pas comment les éditeurs vont pouvoir, même en concurrence, en termes de concurrence, quand tous les éditeurs vont s'y mettre, il y aura... Après, peut-être aussi, il y aura des éditeurs qui vont profiter de ça pour se mettre dans un créneau qui ne sera plus utilisé, c'est-à-dire le créneau du Wii Sport, quoi, du Kinect, de la VR qui est toute mignonne, de la VR qui te met juste au milieu du parc de Disneyland, juste pour arpenter les rues, ou qui te met dans la peau d'un joueur de tennis. Après, récemment, je parlais justement avec un ami sur Skyrim en VR. Ouais. Le problème, c'est aussi, ça va être un problème technique. On peut pas tout modéliser dans un monde ouvert comme Skyrim. Il n'y a pas d'intérêt déjà de tout modéliser parce que pour faire la map d'un bout à l'autre, tu peux IRL compter. Je sais pas, une dizaine d'heures pour vraiment faire à pied toute la map. Ah oui, dans Skyrim, oui, je pense que c'est pas la limite, mais une sacrée limite, ouais. Clairement. Les open world de cette taille-là, même un GTA, je veux dire, un GTA, la map est aussi grande qu'un Skyrim, le GTA V. Et beaucoup plus détaillé et tout ça. Voilà, il y a beaucoup trop. Et alors, dans ce cas, soit l'éditeur va se mettre à faire de la HD 4K sur tes quêtes principales, mais ça veut dire que dès que tu vas te déporter un petit peu de la quête principale et que tu vas aller dans une quête annexe, t'auras des décors tout pourris, ce sera plus de la HD, ce sera du 720p, et du 720p collé sur les yeux, forcément tu vois que c'est moche. Oui, c'est clair. Voilà, donc là il y a peut-être un petit problème. Nous à l'époque, avec Robin, le rédacteur en chef de Computer Games France et de Game Trip, on avait testé l'Oculus Rift et le Samsung Gear VR en exclu au Paris Games Week. On faisait partie des 6 sites français de jeux vidéo qui avaient eu le droit d'y jouer behind closed door, donc vraiment en exclu avant sa sortie. C'était à l'époque, c'était il y a 3 ans, c'était vraiment une nouveauté exceptionnelle. De la HD était vraiment pas mal, c'était que de la HD, et sans même c'était pas de la HD, c'était peut-être du 720p, le DK3 à l'époque. C'était vraiment magnifique, mais j'ai l'impression que depuis, le soufflet est un peu retombé. La version DK1, donc la toute première, tout le monde était sur le cul. C'était vraiment une nouveauté exceptionnelle. Aujourd'hui, il y a quoi ? Des jeux de screamer, comme tu disais, Resident Evil. Ouais. Un peu de sport, voilà. Enfin, de sensations. De la simu, je dirais de la simu, genre des bagnoles. tu vois. Des, bah, moi, j'ai joué à un truc, une simulation de luge, on va dire, voilà, ou comme ça. Quoi. J'allais dire des simulations de trains, de mines fantômes, de roller coaster, de ouais. luge, des trucs où t'es en fait embarqué, où tu bouges pas. Parce que le problème aussi aujourd'hui, et mine de rien, c'est un vrai problème, c'est que soit il faut déjà avoir le matos, parce que un casque à réalité virtuelle, c'est soit tu prends l'HTC Vive, qui est pas très cher, mais qui est pas très connu, soit tu prends le PlayStation, il faut avoir la PlayStation. C'est 500, voilà, 500. Qui fait 500 balles, ouais. un truc comme ça. La PlayStation VR, il faut acheter la PlayStation. Aussi. L'Oculus Rift, il faut avoir un sacré bon ordinateur derrière, parce que ça utilise ta carte graphique à mort. Ouais. Tout ça, voilà, c'est des trucs qu'il faut. Et puis t'as les câbles, il faut avoir de la place chez soi. Mm. C'est, est-ce que voilà, ce genre de petit problème. C'est vrai que moi personnellement, pour avoir joué, enfin un petit peu au Wii Sport et tout ça, clairement, je m'éclatais en fait aussi bien presque quand la capture de mouvement est bien faite. C'était sur la Play, comment il s'appelle pas sur la Play, sur la Xbox. Le Kinect. Oui, Kinect, voilà. Ouais. Ce genre de choses, en fait, personnellement, ça m'éclate autant parce que tu sautes partout. Enfin, moi, je jouais, ouais. ayant été volleyeur, je jouais au volley, en fait, au beach volley. Et je m'éclatais à sauter, presque à toucher mon plafond avec la main et tout pour attaquer. Et c'était. Et effectivement, c'est beaucoup moins poussé que la VR. Mais déjà, on peut y jouer à. Enfin, forcément, on y joue à plusieurs, on est dans la même pièce et. Et c'est aussi, en fait, je pense que c'est deux conceptions totalement différentes. C'est ça, ça pourra pas avoir le même type de jeu, ouais. tout simplement parce que de la VR sur du volley, enfin, il y a zéro intérêt. Quoi, oui, après, maintenant, ils font aussi, il y a la VR et puis il y a la réalité augmentée qui est encore aussi autre chose, mais qui est peut-être moins prisée dans les jeux vidéo plus maintenant pour les mais collectivités. Mais du coup, est-ce que il y a pas des gens qui vont se dire justement maintenant qu'il y a tout le monde qui fait de la VR, moi, je vais faire enfin, par exemple, l'équivalent du rétro gaming, en fait, c'est-à-dire faire du jeu de maintenant, ouais. Ouais, voilà, du jeu pas VR, pour prendre tout le monde à contre-pied, en fait, et refaire du n'importe quoi, un MMO super standard, ouais. pour que les gens. Parce que là, actuellement, il y a des gens qui rachètent des Super NES et qui jouent à Zelda. Mmh. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des gens dans 15 ans qui rachèteront. Une PS4 pour jouer à. Voilà, une PS4 pour jouer à Call of Duty. Enfin, ouais. C'est peut-être bête comme réflexion, mais je pense que ça arrivera, quoi. Ouais. Moi, pour moi, actuellement, le jeu ultime, ça va être le Virtuix Omni avec l'Oculus. Donc, le Virtuix Omni, en fait, c'est un truc où t'es sanglé, t'es dans un rond sanglé et tu peux marcher sur un tapis. Et donc, tu bouges, quoi. Tu bouges vraiment, tu peux bouger, machin. Et en même temps, t'as ton Oculus Rift sur les yeux. Ça, on le disait déjà il y a quelques années, mais je pense que ça va arriver. C'est-à-dire où maintenant, tu joueras vraiment. Entièrement dans le jeu, c'est-à-dire qu'en plus tu pourras marcher parce que tu seras pas obligé d'être câblé et d'avoir une pièce énorme chez toi pour pouvoir bouger, mais il va falloir la réalité virtuelle va être augmentée avec le fait d'avoir soit des capteurs chez soi qui permettent de naviguer vraiment et de bouger, parce que là concrètement un casque à réalité virtuelle, tu peux juste tourner la tête pour aller voir sur les c'est côtés, ça, ouais. mais tu peux pas bouger. T'es quand même obligé d'avoir des manettes pour pouvoir avancer dans le jeu, ton clavier, mais tes manettes. C'est sur le Vive, justement, le Vive HTC, où il y a deux capteurs à mettre dans la pièce. Oui. C'est ça, ouais. Mais après, ouais. il y a le PS... Non, pas le PS Touch. L'Oculus Touch avec l'Oculus Rift, ouais. qui sont des petites manettes. En fait, ça ressemble juste à des... Des nunchucks. Des nunchucks. Et qui te permettent juste d'avancer. C'est comme ça que tu peux faire. D'ailleurs, en ce moment, là, il y a la preuve qu'ils ont peut-être du mal aussi. C'est qu'il y a un prix public à 500 balles pour avoir l'Oculus Rift plus le Touch, qui coûtait encore il y a 6 mois. Ça devait coûter 1000 balles et plus même. Voilà, ça reste encore cher, quoi. Mmh. Ah oui, clairement, c'est pas accessible à tout le monde. Mais après, moi, par contre, on t'en parlait tout à l'heure. Et effectivement, on voit des pubs un petit peu tourner, des salles qui ouvrent. Mmh. Et c'est vrai que. Plutôt que rester tout seul chez soi, donc à jouer à son jeu en VR tout seul, ce qui est très sympa potentiellement, ouais. c'est d'aller... Effectivement, il y a des salles où vous allez, comme dans les escape rooms un petit peu, vous allez à 3-4, et vous avez chacun un casque, et vous butez du zombie, en fait. Le laser game... c'est du laser game, mais franchement... Ça doit être sympa. C'est pareil, c'est pas à faire tous les jours, mais comme expérience de groupe, je pense que ça doit être vraiment, vraiment cool. Faut faire gaffe aux murs. Déjà, dans les laser games, à l'époque, je me rappelle qu'on se prenait des murs, tellement il faisait noir là-dedans. Oui. Alors là, si t'as un casque sur la tête... Je sais pas exactement comment que ça se goupille, mais effectivement, s'il y en a un qui fait un rush de 20 mètres... devant lui, bon bah j'imagine qu'à un moment ça s'arrête quoi. Mais non, mais on peut faire ça il faut faire ça dans des gros hangars. Ouais, je sais pas trop où c'est. Bon, j'imagine sur Paris et tout ça. Oui, je pense pas qu'ici il y en a encore, et je suis même pas sûr qu'en France il y en ait vraiment encore des choses comme ça. C'est possible aussi, ouais. Parce que on avait vu des vidéos à l'époque justement où ils étaient vraiment dans des hangars géants. Et avec des zombies. Ouais. Très bien. Donc du coup, le futur du jeu vidéo, oui, sans doute, clairement, ça va passer par la VR, pas uniquement. C'est ça qu'on peut dire. Mais et du coup, au-delà de ça, il y aura. Enfin, c'est quoi encore est-ce qu'il y a des évolutions encore après ça? Parce qu'après, après les trois dimensions. Je pense que après les trois dimensions, ça va être de pouvoir se déplacer, comme je te disais, de rendre ça grand public. Donc déjà, quand ça coûtera plus 500 balles, ça sera déjà un peu plus de grand public. Et de pouvoir marcher quoi chez soi ou être sur un petit tapis roulant ou quelque chose qui fait que tu vas finir comme un hamster va y avoir des gamelles non mais ça fait un peu peur quand même parce que ça tu sens venir quand même les mecs enfermés chez soi qui marchent dans la rue avec un tapis roulant et ce genre de choses quoi. Là pour le coup oui je peux effectivement comprendre les gens qui vont dire le jeu vidéo ça ça accentue la sensation de solitude l'enfermement des gens quoi. Comme quand les jeux vidéo sont arrivés, c'est comme quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, les gens vont dire oui mais attention ça tue des gens Oui. Donc finalement on sera jamais sorti de ce truc là donc en tout cas à voir il y aura plein de choses en VR qui vont sortir dans les années à venir, on suivra ça évidemment. Et puis nous on avait testé aussi, moi j'ai acheté le Omido qui est pour le coup le pas cher, donc ça coûte 100 €. C'est un casque à réalité virtuelle qui est en 720p seulement et en fait tu cales ton téléphone dans une petite lunette qui est devant tes yeux. Concrètement, c'est comme un Samsung Gear VR mais en moins bon puisque moins cher. Et ça par contre, je pense qu'il y aura aussi beaucoup de débats à faire sur les problèmes oculaires derrière ça parce que nous à l'époque Oculus VR nous avait dit il y a aucun problème. Je pense que à force d'avoir ce truc là devant les yeux même si ils disent non, on bosse avec des opticiens et tout ça, il n'y a aucun problème. Oui, enfin, en même temps, ils vont pas faire de pub négative, sinon il y a un peu zéro intérêt. Mais oui, fatalement. N'empêche, le futur des jeux vidéo, ce sera le futur des enfants à qui les parents disaient il y a 20 ans, ne reste pas trop près de la télé, tu vas te faire mal aux yeux, et ça va passer par avoir un téléphone portable à 1,5 cm de ses yeux. C'est quand même retour de manivelle. C'est ça. Bon, on va se quitter ici. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau débat sur FIFA contre PES, puisque FIFA sortira la semaine prochaine. On va le tester dans le test de la semaine. Et puis, à la fin de l'émission, on parlera FIFA contre PES. On aura des invités pro et anti-FIFA, pro et anti-PES pour parler de ça avec nous. Si vous aussi, vous voulez débattre et puis participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer sur les pages Facebook BLE Radio Officiel ou sur GameTrip.net. Évidemment aussi le hashtag sur Twitter hashtag BLE Radio, hashtag GTFM. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Jérém. Mais de rien. Merci à Julien qui nous a appelé tout à l'heure pour le petit quiz. Évidemment, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur GameTrip.net dès ce soir et en rediffusion sur BLE Radio mardi soir à 19h30. On se dit à la semaine prochaine. Ciao. Salut. BLE Radio. BLE. Et bon appétit tout le monde. Il est 12h36. Tout de suite, le retour de la musique pop rock électro. Plus proche des Lorrains, BLE Radio.